We'll be right back. Il est fatigué, le bassiste. Oh, le bassiste, oh, le bassiste. Monte ton son, putain. On se calme là-haut. Ouais, mais t'es trop bas, Frodomis. Il faut que tu montes ta basse, on n'entend rien. Je te l'ai dit tout à l'heure. Eh ouais. Frodomis. Eh ouais, vas-y. Monte ta basse, n'aie pas peur. Cherche le bouton là. Alors, c'est bien ? Ça fait bander, hein ? Thank you.